Fais chauffer l'Empire. Les lampes sont bien chaudes. Ah super, je m'entends. Hey. On s'en sort. C'est une drôle de mot. Bon alors. Voilà, tu comprends. On a monté un groupe. Thank you. Vanish. Ah, ça y est, je crois que Vanish a coupé son micro. Je crois que Vanish a des problèmes avec les voisins. Eh ben, mon gars, t'as laissé ton micro allumé. Alors, comme tu laisses ton micro allumé, ça fait un écho. Comprende? Volume and drum mix is okay for you. Okay for you, Philippe.

Oui, ton son est très bon. Thank you. n'y a plus de batteur. Donc on peut remettre le boom shack. On peut remettre le boom shack. Thank you. je m'entends chanter 30 secondes après. Je m'entends chanter 30 secondes après. Alors. Thank you.